Bonsoir, Pascal Plantard. On a fait un agora avec le réseau de la FIM. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ok. Alors, moi, je m'appelle Pascal Plantard. Je suis anthropologue à l'Université de Rennes 2 et je coordonne les activités sur l'e-éducation et l'e-inclusion au sein du collectif de recherche breton qui s'appelle Mars 1. D'accord. Alors, j'ai une première question. Pour toi, qu'est-ce qui ne va pas, le point majeur qui te dérange dans la recherche actuellement? Alors, je vais rester juste sur la recherche concernant le numérique, les cultures numériques, les usages des technologies et d'Internet. Ce qui ne va pas, c'est le déséquilibre absolument abyssal et gigantesque entre, finalement, des investissements de recherche très technoïdes sur des protocoles, dans des logiques de laboratoire, dans des logiques d'investissement pharaonique et une quasi-inexistence, sauf dans quelques régions dont la mienne, de recherche participative, impliquante, engagée sur les usages des technologies, je serais tenté de dire avec les usagers, avec les citoyens, avec les professionnels, avec les enseignants, etc., etc. D'accord, donc on a quelque chose de complètement fermé qui ne va pas dans les usages. Comparativement à d'autres pays, alors que finalement une meilleure connaissance des usages développe tout, la créativité technologique, les modèles économiques, le vivre ensemble, etc., on a vraiment un déséquilibre criant, alors qu'en plus, On a le capital en sciences humaines. Nos chercheurs des années 70 ont été lus et relus aux États-Unis et quasiment oubliés chez nous. C'est quand même un problème, un problème majeur. Et donc la seconde question, on a des pistes là. Vers quoi tu aimerais que la recherche tende? Alors moi, je pilote donc des secteurs de recherche. Je pilote un réseau de recherche qu'on pourrait qualifier d'ouvert, en fait, où l'engagement des labos et des chercheurs est un engagement individuel dans des logiques pluridisciplinaires sur des objets de recherche partagés qui peuvent être les usages des SDF dans la rue ou le fonctionnement de Wikipédia ou le téléchargement et Adopi. On avait fait un gros buzz sur ces sujets-là et où on a la seule et unique obligation de travailler ensemble dans des logiques pluridisciplinaires. Ce qui fait que, un, je trouve que les recherches marsouins sont vraiment riches dans ce domaine-là, mais que, deux, nos reconnaissances institutionnelles sont quasi nulles, parce qu'évidemment, qui dit publication pluridisciplinaire t'évacue de ta discipline. Donc, quelle piste? Nous, on vient de démontrer que ça marche après 10 ans de fonctionnement. Je sais que Didier Paclin, les collègues de Bordeaux, essayent de monter la même chose. Probablement qu'il va falloir assez vite qu'il y ait une forme comme ça de coordination souple des recherches en sciences humaines et sociales sur les questions de numérique au niveau national. Rôle que ne tient absolument pas la délégation aux usages de l'Internet aujourd'hui et dont une partie des activités doit absolument évoluer vers ça. Il y a plein de chercheurs qui font des tas de trucs super intéressants. Très peu sont coordonnés dans des réseaux et beaucoup s'épuisent aux quatre coins de la France parce que ils sont pas soutenus par l'institution, ils sont tout seuls dans leur coin, etc. Donc la piste, c'est probablement finalement une organisation du travail coopératif. Une méta-organisation. Voilà, une méta-organisation. Parfait. Merci beaucoup.